بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، حتى خراسة، لماذا إقرار المشركين بتوحيد الله في ربوبية لم ينفعهم؟ وصل أصحاب الآية يعني هذه الربوبية لا صفقة للمسلمين. فطيب ils ont fait des عبادة. لكن تسوية بين الله وبين المعبودة. وهذا سائل. طيب أنا معك هذا. لكن نحن نقول الله نسيك الله سيخاتر. فكيف تسوية؟ ولو العبادة للجنين سألوا complètement le sont au pied, même si c'est même s'il pense pas l'adorer en faisant ça, là il a payé une espèce d'adoration. Et... Ah, le fait qu'il ait fait une ibadah autre que Allah, ça équivaut à une tasouya. D'ailleurs, nous avons dit que le shirk, nous avons dit que le shirk est تسوية بين الله وغير الله فيما يختص بالله. Égaliser entre Allah et autre que lui dans ce qui est propre à Allah. Toute chose qui revient à Allah spontané, tu vas donner autre que lui, tu as fait une tasouya. Même si c'est pas sur tous les angles qu'on m'a expliqué ou sur tous les domaines. طيب, la qissa de في كل الله عز وجل فلما أتاهما صالحة جعل له شركاء فيما أتاهما. Que Iblis, il est venu voir Hawa, car chaque enfant qu'elle avait mourait à la naissance, il lui a dit, tu ne l'appelles pas le Harith, il ne vivra pas. ما حل هذه القصة؟ منكرة. هذه القصة منكرة. Certains ulama l'ont vu, mais la cause est صحيح. من حيث الإسناد ما يثبت, même par rapport à l'إسناد, même par rapport au معنى, parce que Adam عليه السلام il n'y a pas de shirk. Donc ça, c'était des gens parmi la descendance de Adam ou Hawa. طيب, alors ça n'entroule في فصل جديد وهو من يعتقد في غير الله النفع والضر فقد أشرك. Celui qui a pour croyance qu'autre que Allah puisse nuire ou apporter profit, lui l'a fait du shirk. قال المؤلف رحمه الله تعالى قد عرفت من هذا كله أن من يعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جن أو حي أو ميت أنه ينفع ويدر وأنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى رب تعالى إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه أو نحو ذلك فإن هذا أشرك مع الله غيره. Donc il dit, maintenant que tu as cité cela, tout ce qu'on a cité depuis le début, car pareil c'était une mise en préparée à ce qui allait arriver par la suite, celui qui a pour croyance dans un arbre, dans une pierre, dans une tombe, dans un malak, dans un djinn, dans une personne vivante, dans un mort, qu'il peut apporter un profit, ou qu'il puisse nuire, et qu'il rapproche d'Allah, voyez, qui va intercéder auprès de lui, dans un besoin, comme le besoin de la dunya, du simple fait de demander la shafa'a, ou de le tawassul c'est-à-dire de se servir de lui, comme on va en parler, inshallah. Hormis ce qui a été cité dans un hadith qu'on va citer également, mais le hadith il n'est pas authentique. Il y a un hadith sur lequel des gens sont basés, on va en parler. Ou même qu'il croit cela par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que cela est du shirk. Il aura associé Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عن نبيه قال كل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. Allah subhanahu wa ta'ala dit de dire à son prophète, de dire aux gens, je ne possède pour moi ni bien ni mal. Comment pourrais-je en avoir pour vous? Donc là, cette shafa'a, on a expliqué, elle n'a lieu que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on a demandé aux gens, ça ne chauffera pour toi. Ils ne pourront le faire que si Allah l'autorise. Et le fait de demander cela à une personne, par exemple chez moi, tu veux demander cela à un mort ou à quelqu'un qui ne t'entend pas ou réel valika, cela, c'est du shirk. Et il n'a pas été connu des sahaba qu'ils allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant pour lui demander de faire shafa'a pour eux également. Et le tawassul, c'est quoi le tawassul? C'est le fait d'invoquer Allah par quelque chose, par le biais de quelque chose. Et ce tawassul, il est shad'i de trois sortes. Tawassul il Allah bi asma'i wa sifatihi. Tu invoques Allah par son nom et ses attributs. Tu fais un dua. يقول يا رحمن أسألك برحمتك الواسعة كذا وكذا وكذا مثلا. Tu l'invoques par ses noms et attributs. Ça c'est un tawassul qui est shad'i. En fait également tawassul bi al-a'mal as-salihah. Tawassul avec les œuvres pieuses. Que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de tes œuvres pieuses. كفي كل عز وجل ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ils ont dit quoi? Oh Seigneur, c'est-à-dire déjà, ils l'ont appelé par من أسمائي رب آمنا par leur إيمان آمنا بما أنزلت طيب واتبعنا الرسول, c'est-à-dire qu'ils intercèdent auprès d'Allah par son nom رب par leur foi, leur إيمان et par le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est mashrou'. Que tu aies fait une bonne action, et tu invoques Allah par cette action. Tu dis, Ya Rabbi, j'ai fait tout ça, et bâti wa wajhik, fa, atini kaza wa kaza wa kaza, mathalan. Et vous connaissez le hadith, les trois dans la caverne, le ma'aruf, le hadith. Et troisième chose, par le biais de la vocation d'une personne pieuse. Tu vas voir quelqu'un de pieux, et tu veux qu'il fasse du'a pour toi. Ça, c'est mashrou'. Mais non, également, les ulama disent qu'il ne faut pas exagérer sur ce peuple-là. C'est pas, tu vois, les gens, comme des gens ils font, fais doua pour moi, fais doua pour moi, fais doua pour moi. Ça amène, c'est quoi? Tu commences à avoir un article sur la personne. Donc toi, tu te limites. Dans la hajj, les sahaba, ils l'ont fait. Plusieurs fois, ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour eux dans différentes situations. Les adillahs sont takathira fi hada. Et là où les gens, ils ont une shubuhat, c'est que eux, ils font tawassul bi jah al-abd salih. C'est-à-dire, tu en as une choubouette qui invoque Allah par le rang de la personne. Yakul mesalen, wahid, ya rabbi asaluka bi jah nabiyik indek wa kaza wa kaza wa kaza. Je t'invoque par le rang de ton prophète ou par le rang de ton prophète ou par le toit. C'est-à-dire, par rapport à son rang, je t'invoque. Ça, ma yujad hada. Tamam? Ou, tu dis asaluka bi fulain al-abd al-salih bina tashfiyani bi maradi. Je t'invoque par le biais ou par le rang de fulain, par exemple quelqu'un que tu considères comme étant pieux, que tu me guérisses. Ça c'est pas légiféré. Là même c'est pas légiféré. Les sahaba, ce qu'ils ont fait, radiallahu anhum, c'est qu'ils ont fait tawassul bi rajul al-salih, c'est-à-dire qu'ils ont appelé al-Abbas, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'istisqa. Ils ont demandé lui de faire l'istisqa. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas invoqué Allah, demandé par l'Abbas, on te demande cela, ya Rabbi. Là, ils ont demandé à Abbas d'invoquer. Ils ont dit, car tu es le meilleur entre nous, le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc invoque pour nous. Et il a fait l'istisqa, et voilà. Ça, c'est mashrou'. Ça, c'est mashrou'. Amal le reste, non. Donc cela, tu ne peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant la shafa'a ou en faisant le tawassul, que par de la façon qu'il est légiféré. La shafa'a, il y a des doigts pour avoir la shafa'a. Il y a des asbab. Mais invoquer les gens, demander aux gens, non. Après, si tu as justement un hadith sur lequel les gens se basent, sur lequel il y a une shubhat, il est tarte dans la hashiya. Selon Othman ibn Hanif, qu'un homme qui était aveugle s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, « Allah, un yu'afiyani, invoque Allah qu'il me guérisse. » قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. Il dit si tu veux j'invoque pour toi et si tu veux أخرتك يعني on... je sais pas comment on dirait أخرتك أخرت ذلك. À la base أخرت c'est retarder les choses, les repousser et c'est la meilleure pour toi. À la colline, lui lui a dit invoque. Voyez, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de faire l'ozo, de bien faire l'ozo, de faire rakatayn et d'invoquer par un doa dans lequel il dirait Allahumma in yas'aluka wa tawajjah ilayk bi nabiyyik Muhammad Nabi ar-Rahma ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fataqdi li Allahumma shaffi'hu fiyya. Qu'il ait dit oh Allah, je te demande et je me tourne vers toi par ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Après il dit oh Mohammed, je me tourne vers toi pour le Seigneur dans mon besoin afin que tu me l'accordes. Oh Allah, fais-le intercéder pour moi. Fada hadith yani huwa ma yathbut. Et bien là chaque quand tu vois le hadith, tu vois qu'il appelle tamaman à ce qu'on a pris, que ça contredit ce qu'on a pris, le tawassul et shadri. Et ça amène à invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, Mayazbut. Tu n'invoques pas Allah par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le tawassul qui est shirk, c'est le fait de prendre un intermédiaire entre toi et Allah et de l'invoquer et de demander de lui la shafa'a. Même de l'invoquer, demander de lui la shafa'a. Quant au fait d'invoquer par le rang de quelqu'un, là c'est une bid'a, c'est pas du shirk. Ya Allah, as'aluka bi jah fulain indak. Ça c'est une bid'a. Mais le fait d'aller l'invoquer lui, tamam, de lui demander la shafa'a d'une chose qu'il ne peut pas faire. Et bien maintenant, lui demander qu'il invoque pour toi, c'est autre chose. On explique ça, c'est autre chose. ثم قال المؤلف طيب واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلا عن من ينذر بماله وولده لميت أو حي يطلب منه ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مرض ومن عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيل لأي مطلوب من المطالب فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كانت عليه عباد الأوثان والأصنام. Celui, le fait d'avoir pour croyance ce qui n'est pas permis, comme quelqu'un qui croirait mathalan, comme cette fluka des mushrikoun dans leurs idoles, alors que dire de quelqu'un qui invoque, ou plutôt qui fait des vœux, par son argent, ou par son enfant, envers un mort, مثلاً si يعني l'avocat mort et dit si tu m'accordes telle chose alors je ferai telle et telle chose. Vous voyez, ou un vivant il invoque dans une chose que seul Allah peut accomplir comme l'expliquer parmi les besoins, comme par exemple demande de guérison ou de faire revenir quelqu'un d'absent. Donc cela est du shirk bi'ayni tamam. C'est celui sur lequel étaient les mouchrikoun avec l'aufan. C'est celui qui était les mouchrikoun avec l'aufan. فقال والنذور بالمال على الميت ونحوه والنحر على قبره والتوسل به طلب الحاجة منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. Donc le fait de faire des vœux avec leur argent pour un mort ou de sacrifier, quand on dit nahar, des fois, on l'emploie également pour le zabh. Il y a une différence, et des fois, on l'emploie l'un pour l'autre. C'est pareil. Le fait de sacrifier sur sa tombe, ou de le prendre comme intermédiaire pour le tawassul, pour lui demander des besoins, ça, c'est exactement ce que faisaient les mouchilikoun dans la jahiliya. وَإِنَّمَا يَفَلُونَهُ لِمَا يُسَمُّونَهُ وَصَنًا وَصَنَمًا وفعله الكبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. Donc là c'est ceux qui ont fait cela, ils l'ont fait avec leurs idoles, comme on l'expliquait, leurs idoles, ou les comme l'ont fait les kubouriyoun, ce qu'ils appellent le wali aujourd'hui, ou la tombe ou le mashhad. Ils appellent la tombe, le lieu qu'ils ont pris comme lieu de ribada, ils l'appellent mashhad. Et un mashhad traduirait ça par un site. Mais bon, ça ne se traduit pas. Le qabr vers lequel ils se tournent pour aller faire leur shirk, ils ne vont pas dire qabr, ils vont dire mashhad. Ils vont changer le nom. Et là, ils vont parler. Wal asma la athara laha wa la taghayyur al ma'ani darurat lughawiyya wa aqliyya wa shar'iyya fa inna man shariba al khamra wa sammahu ma ma shariba illa khamra wa 'iqabuhu 'iqabu sharib al khamr wa la'alla yazidu 'iqabuhu lit tadlis wal kadhib fi al tasmiya. Donc il dit que le fait, les noms n'ont aucune influence sur la réalité des choses. Ils ne changent pas l'essence, ni dans la langue, ni dans la raison et ni dans la législation. Celui qui boit de l'alcool et après dit non, c'est de l'eau, il a bu de l'alcool. Et on lui applique la sentence, voire même il dit on ajoute de la sentence du fait qu'il a voulu tricher. C'est-à-dire la sentence c'est 80 coups de fouet, ou 40, j'ai oublié son moment. Ça revient au gouverneur. Plus c'est 40 ou 80, j'ai oublié son moment. Et en plus, on lui rajoute peut-être du fait qu'il a voulu tricher, faire croire, non, c'est pas du rhum, c'est de l'eau. وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي أقوام يشربون الخم يسمونها بغير اسمها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il y a un hadith qui est venu, plutôt des hadiths, que des gens viendront et boiront de l'alcool et le nommeront par autre que son nom. Et ce hadith, c'est le hadith de, en bas il est cité dans la Hashia, selon Abu Bakr ibn Hafs, قال سمعت ابن محيرز يحدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que des gens de ma communauté, ce qui prouve que déjà ça c'est un rod à qui ça, ils boivent l'alcool et le nomment par autre que son nom. À qui on rod avec ce hadith? Là, إن فرقة سحديث أرى رسول قال إن أناس من أمتي des gens de ma communauté, c'est un rôle au khawarij qui rend mécréant pour avoir accompli un grand péché. Il dit من أمتي يشربون الخمر. تمام. Ça c'est من أدلة التي ترد على الخوارج. Le fait de boire de l'alcool ne fait pas de toi un kafir. إلا إذا استحلتها ذلك. إذا استحلت ذلك. Si tu le rends illicite. ثم قال وسموها نبيذا. Ils l'ont appelé نبيذ. نبيذ, je connais pas la traduction du mot نبيذ. Mais نبيذ à la base c'est de l'alcool, c'est des fruits fermentés. Trois jours tu laisses dans l'eau, ça vient de l'alcool au bout d'un moment. C'est le معنى. وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه من الأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله فإنه قال لي أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Donc le premier qui a fait cela, cette sunna de changer les choses, leur nom pour les rendre plaisantes aux gens qui écoutent, c'est ce qu'a fait Iblis, comme il a fait avec Adam alayhi salam lorsqu'il a nommé l'arbre interdit dans le verset Allah dit dans le sens oh Adam, ne vais-je pas te montrer un arbre de l'éternité et de royaume qui ne disparaîtra jamais. Donc il a embelli la chose à Adam alayhi salam. D'ailleurs là c'est une chose aussi, car des gens ils ont encore la chebouette prise de la Bible que Hawa a fait manger le fruit interdit. On dit en Coran, il n'y a pas de fruit, c'est l'arbre. Il n'y a pas de fruit. Et les chrétiens disent que c'est la pomme. La fameuse pomme d'Adam là, qui vient soi-disant vient de là, tu vois. Donc il n'y a ni pomme ni fruit cité dans les textes de l'islam. Allah dans le Coran il a dit l'arbre. Dans les ahadiths c'est venu al-shajara, l'arbre. Donc on ne rajoute pas d'autre chose. Si Allah il avait voulu qu'on sache la chose, il nous l'aurait dit. Donc c'est qu'il n'y a pas de faïda à le savoir. Donc il n'y a ni fruit qui était nommé, ni rien du tout. L'arbre, fakat. فسمى شجرة التي نهى الله عنها آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها وحزا لنشاطه إلى قربانها وتدليسا عليه بالاسم الذي طرعه لها. Donc il a appris cet arbre que Allah a interdit à Adam pour qu'il se rapproche, que Allah a interdit à Adam de s'en approcher. Il l'a appelé l'arbre de l'éternité. Car cela, c'est un nom qui attire. C'est une chose qui attire. Donc il a triché en cela pour tromper Adam, alayhi salam. كما سمى إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة راحة كما يسمى الظلمة ما يقبضونه من الأموال من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا فيقولون أدب القتل أدب السرقة أدب التهمة بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. Donc là c'est comme l'ont fait également les ceux qui imitent Shaitan parmi ses frères qui nomment الحشيشة comme étant on dirait une bouffée d'air. Une bouffée d'air. Je veux dire, comme le cannabis, les herbes qui se fument, qui sont enivrantes, ils appellent ça une bouffée d'air. Quand on entend ça, c'est, tu vois, c'est plaisant à entendre. Mais ça reste toujours un certain mousquet. Également, les gens injustes qui prennent l'argent injustement des gens. Ils ont donné des noms. Ils appellent ça Adab. En fait, ce serait une sanction. Vous voyez ? La sanction du meurtre, la sanction du vol, la sanction de l'accusation. Le mot Arzamel Bilbaratil, le fait de prendre l'argent justement, ils l'ont appelé Adab. Car le mot Adab, c'est beau à entendre Adab, c'est un comportement, discipline. Et en vrai, cet argent-là, il est prêt justement, c'est des volumes ce qu'ils font. Ça, c'est interdit. Rol, comme aujourd'hui, ils font les taxes, les impôts, toutes ces choses-là. C'est des choses, à la base, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts. Ça n'existe pas. Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas appeler ça racketage ou vol. Si tu dis c'est du vol, ils vont dire oui, c'est du vol. Pardonnez l'argent. On appelle ça taxe, impôt. On n'appelle pas ça détournement ou racketage, ce genre de mots qui, eux, sont les plus proches de la réalité. Ils ne vont pas te le dire. Ou également, مثلا, comme ils disent les koufars, le zina. On appelle zina fornication. On appelle ça faire l'amour, مثلا. C'est plus beau à entendre, c'est l'amour, tu vois, c'est beau. Non, c'est du zina. Et en islam, celui qui fait ça, qui était marié, on le tue. Et celui qui ne l'a pas été, on le fouette. Donc c'est pas de l'amour. L'amour légiféré, c'est avec ta femme, avec un aqd, shadri, et tout ce qui s'ensuit. Ou aussi l'alcool, ils appellent ça l'eau de vie. Ils appellent l'alcool l'eau de vie. C'est beau à entendre l'eau de vie. Non, c'est l'alcool. Et ça t'enivre, ça fait pas de la raison. Et en islam, c'est interdit. Donc tout ça, cette façon de faire, t'as de lisse, ça vient de Iblis. C'est Iblis qui a commencé cela. كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة إلى اسم النفاعة وفي بعضها إلى اسم السياقة وفي بعضها أدب المكاييل والموازين وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. Donc ils agissent de la même sorte. Les saisies qu'ils font des biens des gens, injustement, ils donnent d'autres noms. Là, ces noms-là, je ne sais pas comment on les traduirait. À la colline, ils donnent des noms, des nominations qui paraissent belles à entendre, qui paraissent normales, légitimes, et en vrai, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Là, je ne sais pas comment on dirait là, ce qu'il a dit là. النفاعه واسم السياقات وصاج سباق متجوع ادب المكاييل والموازين سي كوم لامبو سور لي ميزور اي لي بيزي مكاييل سي تو سكي ميزور كوم لو سا او لو مود اي لي موازين تو سكي بوا كوم لي كيلو لو لتر لا لو موليف لي كري دو سون ايبوك سو لي شوز اوجوري سون بلو اكزيست بلو او بوتيت كيز ان اوتر نون. Al-Muhim, toutes ces choses-là, Allah les a appelées injustice et péché. Comme le toute personne qui aura connu l'odeur du kitab de la sunna. وَقُلُوا ذَلِكَ مَأْخُوذُوا عَنْ إِبْلِيسِ حَيْثُ سَمَّى شَجَرَةَ أَلْمَنْهِ عَنْهَا شَجَرَةِ الْخُلْدِ. Tout cela, c'est pris de Iblis qui a nommé cet arbre interdit comme étant l'arbre de l'éternité. وَكَذَلِكَ تَسْمِيَةِ الْقَبْرِ مَشْحَدًا وَمَنْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِ وَلِيًّا لا يخرجوا عن اسم الصنم والوثن إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام ويتوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام طيب ويلتمسون التماسهم لأركان البيت ويخاطبون الميت بكلمات الكفرية comme le font également ceux qui ont nommé la cobre comme mashhad et qui qui ont pour croyance que l'habitant de cette tombe, c'est un wali. Ceux-là, qu'ils appellent Mashhad ou comme ils veulent, ça restera toujours à Sanam ou un Wafan. Shal'an s'appelle Sanam, ce qu'ils font. Pour eux, Sanam, c'est forcément une chose, comme on expliquait, sculptée, une statuette, ou une chose qui est de forme naturelle. Pour eux, c'est un Wafan ou un Sanam. On dit non. Tout ce que tu adores en dehors d'Allah, on l'appellera Sanam. On l'appellera, même si c'est un homme vivant, un être vivant, on va l'appeler Sanam. Et on va l'appeler Ilah, Lak. C'est une divinité pour toi. Mais c'est une fausse divinité, bien évidemment, qui ne mérite pas d'être adorée. Qu'est-ce qu'ils font également? Ils se comportent avec ces Sanam, ils font le tawaf autour de ces kubur, comme le font les Hujjaj, à Fibaytillah al-Haram, autour de la Kaaba. Ils font la même chose. Et ils s'expriment auprès d'eux avec des termes de kufr. Min koulihim ala Allahi wa alayk. يحتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها وكل قوم لهم رجل ينادونهم. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils emploient des termes qu'ils emploient avec Allah SWT, comme ils disent Allah wa alayk. C'est-à-dire je me base sur toi et sur Allah. Sur Allah et sur toi. Où ils l'appellent et s'écrivent par leur nom lors des difficultés. Isti'afa. Et chaque peuple a une personne qu'ils appellent. L'université des noms. La Salène. Les gens d'Irak et de Hind, ils appellent Abdul Qadir. Abdul Qadir, en dessous, il dit, c'était Abdul Qadir ibn Abi Salih al-Jili, qui est mort en 561. C'est devenu un sanam chez les gens de Irak et de Hind. Wa ahl al-Tahaim, lahum fi kulli baladin mayyitun yahtufuna bi ismihi. Il y a Zaylaï, il y a Ibn Ujail. Zaylaï, en dessous, il dit que c'est Ahmed ibn Omar et Zaylaï. Al-Jibrati, Al-Soufi, mort en 704. Et Al-Ujaili, Al-Ujail, Ibn Ujail, lui c'est Ahmed ibn Moussa ibn Ali ibn Ujail, c'est un Yéménite, mort en 690. Les gens de Mecca, ils appellent qui? Ibn Abbas. Al-Misr, fi Misr, eux c'est Ya Rifa'i. Et Rifa'i, c'est Ahmed ibn Abil Hassan, Ali ibn Ahmed et Rifa'i al-Maghribi. Mort en 578. Donc ça, en Égypte, c'est lui qu'ils appellent. Il y a Badawi également. Ma'alouf, Badawi le Ma'alouf. Et lui, c'est Al-Badawi ou Ahmed ibn Ali, Al-Mutawafabi, qui est mort en 675. Et c'est lui, c'était un soufi, un imam dans l'égarement. Et beaucoup de choses, des faits rapportés de lui qui démontrent de son kufr. C'était un zindiq. Ou Al-Jabal, Ya Abu Tayr. Abu Tayr, c'est Ahmed ibn Hussein ibn Ahmed ibn Qasim al-Yémeni, surnommé par Abu Tayr, qui est mort en 665. Les gens du Yémen, ils appellent Ibn Alwan. Et lui, Ibn Alwan, c'est Ahmed ibn Alwan al-Soufi, mort en 665. Après, il parle d'eux, mais on dit le nom, tu vois. Après, dans la Hashia, il donne le Hel Tamaman, wa hadha lisa maqsoud. وفي كل قرية أموات يحتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الأذار وهو بعينه في المشركين في أصنام كما قلنا في الأبيات النجدية. Après, c'est à des vers de poésie qu'il a écrit. Donc dans chaque contrée, il y a des morts qui sont appelés, de qui on espère des choses pour apporter du bien et rebousser un mal. Et cela, c'est exactement ce que faisaient les mouchilikoun avec les asnam. Comme on l'explique dans les abiyat najdiya, dans lesquels il fait l'éloge de l'imam Mohammed ibn al-Wahhab najdi, rahmallahu ta'ala. قال أعادوا بها معنى سواع ومثله يعوث وود بئس ذلك من ود وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يحتف المضطر بالصمد الفردي. وكم نحروا في سحوحها من نحيرة وأهلت لله جهلا على عمدي وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. Je vais pas les traduire, désolé. Je m'excuserai. Il y a l'ilmuhim dans ces vers, ils expliquent que ces gens-là font comme faisaient les mouchrikoun avec leur awfan. Qu'ils invoquent comme, comme on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils égorgent pour eux comme on égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils font des ribadas de tawaf ou les adhikas autour des kubur comme on le fait. Fi bayt al-haram lillahi subhanahu wa ta'ala. Et lui, il parle des mouchrikoun de son époque. On précise. Car dans le Coran, Allah dit que les mouchrikoun avant, dans les Shada'id, ils appelaient Allah sincèrement, et non pas leur Awthan ou leur Asnam. Donc là, le khulasa qu'on a pris aujourd'hui, c'est que ces gens-là ont une croyance peut-être même plus grave que les premiers mouchrikoun dans la Awthan et la Asnam, qu'elles peuvent apporter un bien ou un mal, ou repousser un mal. Donc de là, ils sont tombés dans le shirk, dans l'isti'asa, dans le talab al-shafa'a et dans le tawassul. Et ils ont changé les noms de ces choses pour les faire paraître plus plaisantes. Par exemple, comme on l'a dit, ils l'ont appelé Mashhad. Et on a dit, c'est qui le premier qui a fait cette tradition de changer les choses, les noms des choses pour les embellir ? Iblis. Et après, c'est ça que dans chaque pays, tu as des awthan et des asnam qui sont invoqués. Et parmi eux, certains n'étaient pas des gens de mal, comme Ibn Abbas, un sahabi. Ce n'est pas toute personne qui a invoqué, qui l'aurait agréé. Tant là, ils ont été invoqués malgré eux, ils n'ont pas demandé cela. Et d'autres, c'était vraiment eux des fujjar. Hada, le khulasa, dersna lyom. Fa ila huna, wa alhamdu li rabbil alamin.